Chapitre 3. Rêve ou réalité. Préolard, qu'est-ce que c'est ? C'est le nom de ce village, répondit Ginny Weasley. C'est le seul village sorcier de Grande-Bretagne. Oh, attendez une minute. Vous avez bien dit sorcier et Grande-Bretagne ? Oui. Stephen Wright, qui était resté debout, finit par s'asseoir. Il était tombé chez fou, quoi. Des sorciers au XXe siècle ? Et puis aussi, la Grande-Bretagne. C'est vrai que ça ne ressemblait pas du tout au pays où il était censé garroyer. Mais quand même, la Grande-Bretagne se trouvait à plusieurs milliers de kilomètres de là. Et pourtant quelque chose lui disait qu'il pouvait faire confiance à cette jeune femme, pour être sincère. Sorcier, Grande-Bretagne, balbutiait-il. Ginny se pencha vers lui. Vous allez bien ? Je ne sais plus vraiment. On m'a toujours dit que les sorciers n'existaient pas. Vous voulez dire que vous êtes un moldu ? Un quoi ? Fit Wright en se redressant. Un moldu. C'est comme ça qu'on appelle les gens sans pouvoir magique. Mais qu'est-ce qu'un moldu faisait à Poudlard ? Pou de qui ? Poudlard. C'est le nom du château dans lequel nous étions. C'est une école de sorcellerie. Enfin, maintenant, c'est plutôt une école de magie noire. Pléonasme. Pas du tout. La magie n'est pas forcément mauvaise. Mais depuis que celui dont on ne doit pas prononcer le nom a pris le pouvoir, il n'y a plus que la magie noire qui y est enseignée. Avant, c'était une belle école. Attendez. Déjà, il faudrait me prouver que la magie existe. Si seulement j'avais ma baguette, ce serait facile. Mais les mange-morts me l'ont prise il y a longtemps. Alors, vous allez tout m'expliquer, à commencer par qui c'était ces deux gus qui vous poursuivaient. Ils s'appellent Crabbe et Goyle, deux brutes épaisses pas très malignes. Ils sont les bras droits d'un dénommé Drago Malfoy, un vrai petit salopard qui est devenu le doyen des élèves de Poudlard. Ça fait 2 ans qu'il me retient, depuis que notre dernier espoir est mort. Ginny étouffa un sanglot. Stephen Wright posa son arme sur ses genoux en se mettant en tailleur. « Expliquez-moi tout depuis le début, » ordonna-t-il. « Je vous arrêterai s'il y a des choses que je ne comprends pas. » Ginny Weasley se mit à lui raconter qu'il y avait des années, un mage noir dont personne n'osait prononcer le nom avait fait régner la terreur sur le monde des sorciers. Ginny écrivit le nom sur le sol. « Voldemort. » Quand il le prononça, Wright vit Ginny frissonner de peur. Comment un nom pouvait-il faire aussi peur ? Elle continua en disant qu'un jour, Voldemort s'en était pris à une famille, les Potter. Les deux parents, Lily et James, étaient morts, mais quand le mage noir voulut tuer le petit Harry, le maléfice lui fut renvoyé et il disparut. Harry Potter devint un véritable héros, mais durant ses années d'études à Poudlard, Voldemort parvint à revenir d'entre les morts. Et il y avait de cela 2 ans, il avait pris le pouvoir, mais tant qu'Harry Potter était vivant, il ne pouvait le prendre ouvertement. Il y eut une bataille à Poudlard. Harry s'enfonça dans les bois pour combattre Voldemort, et il n'en était jamais revenu. Au contraire, le Seigneur des Ténèbres en ressortit avec ses fidèles en annonçant sa victoire. Alors, tous cessèrent le combat. Sans Harry, résister leur semblait inutile. Stephen Wright avait écouté le récit sans trop y croire, et pourtant, il avait toujours cette étrange sensation que Ginny Weasley ne mentait pas. Et depuis cette bataille, que vous est-il arrivé ? Je suis d'une famille qui a toujours combattu vous savez qui. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'est plus très bon de dire qu'on est un Weasley. Ma famille se cache, pour ceux qui ont survécu du moins. Mais moi, ils m'ont retrouvée. J'étais avec des amis, et je prévoyais de mettre sur pied un groupe de résistance. Mais une de mes amies était sous Imperium. C'est un sortilège permettant de contrôler quelqu'un. Les mangemorts nous sont tombés dessus. Mes amis doivent tous être emprisonnés ou morts maintenant. Mais Drago Malfoy me voulait. Il m'a donc gardé pour m'humilier. Pourquoi ? Il était le pire ennemi d'Harry. Et Harry était votre petit ami, n'est-ce pas ? Oui. Je comprends. Et maintenant que vous avez échappé à ses griffes, où allez-vous ? Je vais essayer de retrouver quelques-uns de mes amis qui n'ont pas été emprisonnés. Mes frères aussi. Vous savez où les trouver ? Un de mes amis habite à Glasgow. Je crois que ce n'est pas très loin vers l'est. Glasgow. Il saura sûrement où trouver les autres. J'espère surtout revoir mes frères. Et vos parents ? Ils sont morts, tués par les mangemorts il y a un an. Stephen Wright resta silencieux. Il réfléchit. Il se retrouvait embarqué dans une histoire étrange. Était-ce un rêve ? Ou était-ce la réalité ? Comment s'était-il retrouvé ici, entouré de sorciers ? Et vous ? Demanda Ginny. Qu'allez-vous faire ? J'aimerais déjà savoir comment je suis arrivé là, dit Wright. J'étais sur un champ de bataille à l'autre bout du monde et je me retrouve dans un château, école de sorciers, en Grande-Bretagne, en... En quelle année sommes-nous ? En 1999, octobre. Au moins, je n'ai pas voyagé dans le temps. Je voudrais juste comprendre et savoir comment repartir. Moi, je ne comprends pas plus que vous, mais je connais quelqu'un qui saura peut-être. Qui ? Une amie qui se double d'être ma belle-sœur. Elle est très intelligente. Elle saura sûrement. Si elle ne sait pas, je ne vois pas qui pourrait le savoir. Et on la trouve où ? Je ne sais pas. Si nous retrouvons mon amie à Glasgow, il saura sûrement où les trouver, elle et mon frère. À quelle distance sommes-nous de Glasgow ? Je ne sais pas. Poudlard et Préolard sont incartables. Ils ne peuvent pas être mis sur une carte. Je connais juste la direction générale. Stephen se demanda s'il prenait la bonne décision. Il allait se retrouver dans un pays qu'il ne connaissait pas. Cela ne le dérangeait pas. Il en avait connu d'autres, mais pas avec des sorciers maléfiques aux trousses. Mais il n'avait pas le choix. Il devait savoir comment il était arrivé là et comment repartir là d'où il venait. Et puis... « Je vais vous accompagner, » annonça-t-il. « Mais d'abord, il va falloir que je trouve un grand sac et des vêtements civils. Pour vous aussi. Pourquoi ?»« Pourquoi ?»« À moins que nous soyons vraiment dans un autre monde, même en Écosse, les femmes ne se promènent plus avec ce genre de vêtements. » Était-ce un rêve ? Ou était-ce la réalité ?